Eh bien non, je ne suis pas d'accord, explosa Marianne. Je ne veux pas passer mes vacances toute seule. J'ai attendu jusqu'en octobre pour pouvoir partir avec toi. Et maintenant, tu m'annonces que tu ne viens pas ? Le planning du bloc est dément, soupira Samuel. Impossible de dégager 2 semaines de suite. Il faut bien que tu te reposes, non ? Je me contenterai de récupérer une journée de temps en temps, en attendant le mois de février. Et là, je t'emmènerai skier, promis. Sam, j'ai encore 18 jours à prendre cette année. On avait arrêté les dates, c'était prévu. Elle le regardait avec rancune et il se sentit coupable. En insistant un peu, il aurait pu s'arranger avec ses confrères. Mais au fond, il n'avait pas très envie d'accompagner Marianne en Tunisie. L'idée de ce voyage venait d'elle. En ce qui le concernait, il préférait, et de loin, consacrer son temps libre à voler. « Je suis très déçue, » lâcha-t-elle d'une voix vibrante de colère. « Vas-y sans moi, Marianne. Tu seras bronzée et en pleine forme à ton retour. » À sa manière de pincer les lèvres, il comprit qu'elle se retenait de lui dire des choses désagréables. « Je suis désolée, » soupira-t-il en baissant la tête. Pourquoi n'était-il pas capable de la rendre heureuse ? La tendresse et le désir qu'elle lui inspirait ne suffisaient pas à masquer la vérité. Il n'était pas amoureux d'elle. Et se retrouver pendant 15 jours en tête-à-tête avec elle dans une chambre d'hôtel ou sur une plage l'ennuyait d'avance. « Sam, rassure-toi, je vais partir. Tu ne tiens pas à ce que je reste, n'est-ce pas ? Tu as besoin d'un break et toi d'être un peu seule, c'est ça ?» Il releva les yeux surpris par la froideur de sa voix. « Je prendrai mon avion dimanche, pas de problème. Mais si tu n'y vois pas d'inconvénient, je t'accompagnerai à la petite fête prévue par ton ex samedi soir. » L'invitation de Pascal à sa pendaison de crémaillère s'adressait à eux deux, et apparemment Marianne n'avait pas l'intention de s'exclure. Elle ne se cachait pas de considérer Pascal comme une rivale malgré toutes les protestations de Sam. « La semaine prochaine, tu seras bien tranquille. Tu pourras t'abrutir dans ton hélico, traîner au club jusqu'à pas d'heure, me chercher une remplaçante, pleurnicher sur ton divorce, tout ce que tu voudras. » Stupéfait, il la dévisagea un moment en silence. La plupart du temps, elle était douce, presque mièvre. Et voilà qu'elle se transformait en femme de caractère. « J'en ai assez, Samuel, » dit-elle en s'approchant de lui. « Je m'use en pure perte à t'aimer, et je n'obtiens rien de toi en retour. Pas de mots tendres, pas de vrais regards, pas de projets. Ce voyage avait beaucoup d'importance pour moi, seulement tu t'en fous. » C'était l'occasion ou jamais de lui répondre avec franchise. Comme la plupart des hommes, il redoutait les scènes et détestait les ruptures. D'ailleurs, il ne souhaitait pas vraiment la quitter. « Je ne me moque pas de toi, » murmura-t-il. « Je ne t'ai pas raconté d'histoire. Je n'ai pas cherché à enjoliver les choses. Les mots que tu souhaiterais entendre seraient des mensonges. « Alors pourquoi m'appelles-tu ? Pourquoi m'invites-tu à dîner, à dormir dans ton lit ?» Il s'abstint de faire remarquer que, en général, c'était elle qui lui téléphonait, elle qui proposait une soirée ou carrément débarquait chez lui à l'improviste. « Je suis content quand je te vois. » Mais je n'ai pas envie de vivre avec toi. Tu n'es pas en cause, Marianne, mais je tiens à mon indépendance. Je me sens incapable de partager mon existence pour l'instant, c'est tout. Si cette situation t'est insupportable, mieux vaut nous séparer. Que pouvait-il dire d'autre ? Il ne lui donnerait jamais ce qu'elle espérait. Il en avait désormais la certitude. Depuis 1 an qu'il la connaissait, qu'il la tenait dans ses bras, il n'envisageait rien d'autre que cette liaison épisodique, agréable, presque confortable. Dès que le mot se forma dans son esprit, il s'obligea à réagir. « Je ne me suis pas remis de mon divorce, tu as sûrement raison. Je ne veux pas m'attacher, pas m'engager, et tu le savais. À ton âge, jolie comme tu l'es, tu as droit à une véritable histoire d'amour qui... « Mais je t'aime !» hurla-t-elle. « Toi, pas un autre. Tout ce que tu me racontes, je m'en fous. » J'aurai la patience de t'attendre, parce que forcément un jour, tu te réveilleras guéri de cette femme. « Guérie ? » répéta-t-il interloqué. « Tu penses encore à elle, ne prétends pas le contraire. » « Il m'arrive d'y penser, oui. C'est un échec que je ne me pardonne pas. Pourtant, ça ne m'empêche pas de dormir. Tu mélanges tout, Marianne. » À force de jalouser Pascal, elle la lui rappelait sans cesse, inconsciente de sa maladresse. Il cessa de la regarder et battit en retraite à l'autre bout de la chambre. Le spectacle du lit défait, des draps froissés, lui remit en mémoire le début de la scène. Étendue près de lui, Marianne fumait une cigarette en énumérant toutes les joies qui les attendaient en Tunisie. Et plus elle parlait, plus l'idée de ce voyage accablait Samuel. Alors, il avait eu le courage, ou la lâcheté, d'annoncer qu'il ne partirait pas. « Quitte-moi, » dit-il doucement. « Non, pas ça !» Elle le rejoignit en trois enjambées, s'appuya contre son dos, lui passa les bras autour de la taille. « Je ferai n'importe quoi pour te garder, Sam. Des choses que tu n'imagines même pas. Tu me prends pour une écervelée, tu as tort. Écoute, ne nous disputons pas aujourd'hui. Je vais partir seule. Une petite pause nous fera du bien à tous les deux. » Les mots se bousculaient tandis qu'elle s'accrochait à lui. « En 15 jours, peut-être, t'apercevras-tu que je te manque. Tu as besoin de tendresse, besoin d'être consolée, mis en confiance. Tu es comme tout le monde, mon amour. Tu joues au bel indifférent, mais tu adores que je m'occupe de toi. » Et si elle avait raison? Après tout, oui. Il aimait bien l'entendre rire ou bavarder, la voir bouger et aussi lui faire l'amour. Il se croyait sans attache. Pourtant, il lui arrivait de songer à elle avec un certain plaisir. N'était-ce que de l'égoïsme? « Je ne peux rien te promettre, » soupira-t-il. « Au moins, laisse-moi une chance. » À l'époque, il avait demandé la même chose à Pascal, et devant son refus, s'était senti tellement mal. Pouvait-il infliger ce genre de souffrance à son tour? Il se retourna, la prit dans ses bras.